Japon et Yoko Laka Chine pendant 10 ans. Mais basé la relation, par l'obité que oh, Bonanini, Pingaya, Wadon. Ça, c'est quel discours que vous voulez avoir? Osako en Belgique, Olongwete, pourquoi les Belges nous ont tués? Olongwete, Ndegeni. Oh, même Bazo, ça la retourne en Boga, ça la retourne, t'es pas à la Kiao. Et ça, ça va et vient normal. Il n'y a pas, il n'y a pas de retour exact. La RDC, bah, même il y a une crise profonde. Nous n'avons rien pour le moment. Nous ne devons que normaliser nos rapports avec tous les pays frontaliers. Botika ba mentalité bo salaka ya pamba pamba ko se secouer pour rien pour bon que yo pe o loba ke o lobela ki mboka ok ndeki na poto na nzela nini Brazzaville ba bengana biso ba beti biso ba de biso ba lali li banda o ti ba zoku fama ko moko moko moko moko na stade de 24 yo za la ki wa ele ya ba jeune bo zali bo ngaki de poste ndeko contenir bino pour que vous disiez il y a que des vieux, il y a que des vieux. On ne peut pas parachuter ici un jeune Nabakade Luana ba SNCC, ce n'est pas n'importe quelle entreprise où il y a rabouillé pour vendre au salam salam par la mocote. Bon salam d'abord examen de conscience. Tant que l'ingé au finger, papa le voit la tissékete. Au sotali papa n'a eu à botayo. Au sotala, au sot le bas vinaillé en public. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Merci une fois de plus na bao ya biso balingaka kolanda biso ba émission. Merci na bao ya babakitsami po balanda ka émission na biso. Merci na bao tolingi ba ya po balanda de la même manière. Awa lelo na ko répondre plus na ba question bo posaki en ajoutant certains éléments nouveaux. Par exemple, ba tu bazo croire que po muntu akoma héros national il faut nécessairement bazala muntu ba bomaki. Yangwana po na kongole na muntu na ye héros national eza lumumba po ba bomaki ye héros eza Kabila Laurent parce que ba bomaki ye. C'est pas ça. Tango Mandela za héros et pas na bango baboma qui était na moto. Congolais tout ça la effort ya koyeba kama kamuto lingi dans la vie finalement. Je sens qu'il y a quelque chose qui manque. To travaille ka jamais personnalité na biso, to travaille ka jamais bongo na biso, soko zui likambu. Zo attend ya ko analyser. Ce qui est l'analyse, au commis bloqué, ça la recherche pour yéba, les Cambois les années avant ont déclaré. Mais Congolais a sa moutou à émotion négative. Parce que le mal est dans lui. Congolais Tolingi, ba ça la macambo yo monte manabiso linga kakoyoka. Parce que tout simplement pour toi, tu n'avais jamais envisagé que Etienne Tshisekedi peut être héros. Et donc, même ce qui a sali Nengé, pour toi, c'est fini. Tu as un instinct, le col est un nyama. Nyama agira de la même manière. Mais Moutou a évolué. C'est très important. Avant, Bilokobozokoma. Toujours des bêtises. Quand j'entre en contact avec d'autres amis, il y a Gabon, il y a Nigeria, il y a Nini, il y a soit ce qui a été dit, il y a des blagues au CPL. Mais Congolais, il y a un message 3T sans que vous ne soyez pas là, et c'est que vous ne Congolais, pour filmer un temps, il y a une fin de position à Mabé, nous avons à publier. C'est ça les Congolais. Le mal est dans nous. Attends, moi si bazo betaye na mobile ye oyebilika monini te bazo ko wela tu n'es pas au courant tu n'as rien o wela liko filmer au lieu de séparer bango babo mamoni ngate o publier mbala moko les Congolais on est mauvais alors mauvais Nyon soa neza nini. Ma be oyo, parti mounene, éducation abandonnée, moussousou, ba meseni koloba makambo, facilement, parce que ba mona yango na église. Je vais vous expliquer. Na koli depuis les années 60, na vérifié ba église ti yawa, je n'ai jamais vu chez les catholiques, moutou moko aleki li boso ke na o sala témoignage. Parce que Jésus-Christ le maître, il disait, Oyo moni ko yebisa moutou ti. Mais avec l'église du réveil aujourd'hui, balingi spectacle, il faut qu'obima, il faut batunyo soba yoka. Okomona mutu abandi ko leka surtout nos mamans, abandi ko expliquer ce qui n'allait pas dans sa maison avec son mari, ba secret à intimité pour hier lobi, oh, je n'ai pas honte de Jésus-Christ. Ce que tu dis Jésus ne te l'a pas demandé. Alors ton meseni biloko wana ya kobimisa makambu facilement devant les gens, c'est diabolique. To koli na yango, okomi o filmé moi ce mutu, okuti na position ya mabe, oza ko publier sur le net. O sepeli tango sambu isiye. Ba secret intime ya batu nde olingyo komango na ba réseaux sociaux. Église boté à Makamboyo. Boté à spectacle, bozo sala na ba télévision. Voilà les résultats. Les parents, j'ai toujours vu, banamike ba 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, baza na banzela même 21 heures. Baza kozwa éducation à Nzela. Conséquence yango, toke de la Makamona biso ya jour ya lelo. Likambo wana, ezali nini. Likambo ezali ya ba nomination oyo ba tu ko sala mikolo na président Félix Tshisekedi ba tebele ba félicité ba musu ba fingi mabe franchement ba fingi mabe avant ko to ba na nomination moko moko to landa publicité na biso to lexaka pona ba oyo ba linga ko tinda biloko uti Royaume-Uni eya awa na Kishasa, c'est-à-dire où tu es Angleterre et Kishasa, où est Kishasa qui est Angleterre, tous en agence où il y a sûr, tout arrive et intact. Ben explication est belle exacte, tout l'an d'Akafrex. Ndeko papa pe ndeko mama, yo ozo vanda na Royaume-Uni, tous en ndeko na yo azan na Londres, yebi saye libela. Agence de frais Yango Yessie, agence Yaba professionnelle avec des diplômes universitaires au Royaume-Uni. Aux Nord et Angleterre, Bengabisuna 074 74 90 87. Yo Zamina Sud et Angleterre, Bengana 074 66 70 70 40. Van Ezoya Tinanda Kupona Koti Café Kozwa Kolina Yo. Bolingi Otindani, Mutuka, Vélo, carton, biloko ya kolia, pe biloko nyonso ya ndako, pas de problème. Cafrex otindi miliki na yo e komi pe bandeko na yo bandeli. Agence Cafrex ezali pona kosunga moto nyonso. Kota na site web na biso www.cafrex.com pona ozwa ba information nyonso etali ba frais. Vraiment Cafrex, c'est au-delà de l'excellence. Awa batu na ba oyo bakenda kotanga na école. Basa komi benga ba universitaire. Soki na tangi biloko bazo komana ba WhatsApp, ba Facebook, soki Instagram, soki nini tout ça. Tu sens que ce sont des touristes. Ba ki deki kaka université ko tambola bazongi. Et puis tout le monde au Congo elingi a la politique, azo sala analyse politique. Tout le monde cite la constitution sans koyé ba te que constitution zani ni pe uta wapi. Nomination ya Albert Yuma comme PCA il y a Jekamine et ça hasardé. Tu connais expliquer bino. Yuma a dirigé Jekamine pendant longtemps. A signé ba contrat kunaye moko. Maintenant que le président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na séjour na de travail aux États-Unis, il a rencontré Madame Lagarde oyo aza patron ya Banque mondiale alingi to renouer na Banque mondiale parce que Banque mondiale a ko permettre vision ya chef de l'état Félix oyo a prévoyé qu'il a ko trouver 80 milliards pendant un exercice ya pouvoir naye il faut ça la contact ba recette interne auto ko réaliser et que ça la partie ya budget na ba deto yo to contacter auprès ya ba Fonds monétaire international, Banque mondiale. C'est-à-dire, budget peu coca, ba recette na biso à l'interne, ba production na ba vente yo mousso, c'est quoi ça les mayamakambo, kili kili, c'est de la matière économique, je ne maîtrise pas ça. Mais, ba mousso, c'est quoi ça là, ba prêt, autre chose. Ainsi, Banque mondiale a prévoyé qui audite. Aya qu'auditer spécialement Gécamine. Pourquoi audite? Parce que Eza Nyongo Oyo Tokozoa. Mouto yape sa moussou Nyongo. Aliga koza la sur. Yake mouto yape si Nyongo ko zongisa. Alors na kadre na bango. Bako ya koza la contrôle. Po ba mona. Oyo président Félix Assola ki na bango. Si c'est possible de le faire. Et donc. Koboya. Kozongisa Albert Yumba na Gécamine, yo ya signé ba contrat mususu peut-être sans autorisation ya bakonzi pona yebi ki bazalaki na trouble entre ye na matata bazako yo kanate. Intelligence ya makasi ya président Félix alobi tika na zongisa kaka oyo ayebi dossier bien. Pourtant au contrôle kozala, il faut y répondre. A supposé que a joué le rôle de la jeune, comme il y a un jeune, il y a un ticatine de la jeune. Si on a dit jeune, il y a un petit place, il y a un contrôle, il y a expliqué, il y a maîtrisé. Zongi, c'est Albert Yuma, il y a un justifié telle vente, telle réception, tel don, tel ceci. Albert Yuma, il y a un bien. Ce n'est pas par faiblesse que. C'est par contrainte il y a gestion et c'est ce qui est moko azalande pour justifier contrat tel contrat tel contrat tel et c'est sage les cambouana tout tourner page nomination il y a Kyungu Wakumwanza pendant que vous vous refusez il y a des gens qui ont accepté ce n'est pas par hasard que Bazui Kyungu a commencé à PCA et puis Fabien Moutombe baye ko zoyer DG Bolanda ba émission nanga passé dans qui ko insister que le Katanga soudez-vous que le chef de l'état j'étais en train de vous recommander à que zoa net ba Fabien Moutombe et puis ko zoble sous le col président de la République a choisi Fabien Moutombe na singi na Fabien Moutombe ya ko zoa Lucien Moutombe à Moutombe je l'ai dit. C'est un cerveau. Raisonnez bien, c'est un cerveau. Joyez. Cotisez la gestion. Beau travailler. Ana mayele mingi. Batubazo kanisa ke papa Kyungu Wakumwanza aza parvenu na makambo etali chemin de fer. Vous vous trompez. Il était là, il était cadre na société Oyo. Ba musuba lobi asa mukolo ajoyo bakende ko tia wana na on n'a pas besoin de ça bazaka kami balé pamba oyo bazui nomination le PCA et le DG mes chers jeunes et belé aba jeune bozali bolingaki deux postes ne ko contenir bino pour que vous disiez il n'y a que des vieux il n'y a que des vieux on ne peut pas parachuter ici un jeune na bakadel wana ba SNCC. Ce n'est pas n'importe quelle entreprise où il y a un bouillé. On va dire que ça la salam à la mokote. Papa Kyungu Wakumwanza, le DG Fabien Moutombe, va travailler, va avoir une pension, va kende ba jeune, va avoir une salam à Kati. Va avoir une compétence avérée, va avoir une jeune, va avoir une salam à Kati. Vous n'allez pas entrer dans une entreprise où vous ne trouvez pas, va chevronner l'entreprise. Parce que tant que tu as une entreprise, il faut que tu aies une pension, tu aies une pension, nous voulons toujours agir aux antipodes chez nous. Nous voulons toujours être méchants envers des gens. Nous voulons que ce soit toujours ngai. Le col a battu yoté, donc pour l'autre c'est mauvais. Ezam mawamingi. Boyo ka déclaration moke, il y a Kitungwe Juvenal, namaloba lobby, tango ba pesi bango place soyo, il y a SNCZ, alobi nini toland. Léo, tu n'as pas ta nouvelle. La nouvelle Tunapata, c'est une très bonne nouvelle. N'a ajouté tenant une très très bonne nouvelle. Pourquoi m'en ajouté très très bonne nouvelle? C'est parce que société il est banatupatia. Chez Atukalake, chez Atuna ba usufritier. Chez Atuna ba banabeta ka balé boko. Mou civilisation et abam ramasseur cueilleur. Non, non. Nous sommes une classe de battants, une classe de bâtisseurs. Et c'est pourquoi, parce que Banadjoua, que tout comme classe et battant, mou classe et abam bâtisseur, que Banatupatia SNCC. Banatupatia société moya, y comme difficulté mounene, parce que Banadjoua que chéye, tout a relevé le défi, il y a que ce SNCC, il a mouqué. Lorsque Fatshi a pris cette décision de créer le binôme Kungwa Kumanza Fabien, donc Fatshi a dû absolument. Il est société, il est destiné à Fanini, il y a quoi dans le Aouti Kolobango na Swahili. Alobi. Et si Kaba pèse biso place, choix ya président Félix Tshisekedi, Eza hasardeux te. Nous n'allons pas le décevoir. Tokosala Moussala, Tere wana toyebi yango. Monsieur Juvenil, cherchez d'autres gens pour vous appuyer. Monsieur Fabien Moutom, vous avez le numéro de Lucien Moutom Jolietti. Bengaye Bosala Moussala. Batubagangi Pembeni Pembeni. Vous ne pouvez rien faire. Montrez à ces gens que vous êtes capable de beaucoup. Nazo suggéré bino. Na ebité soki ko sale mandenge ni tamu suso ko memela bino bitumba. Kadel wana SNCZ wana kufaki pona ba remorque ko za wana. Or na kati ba remorque remorque ya ba Moïse za kuna na kati ebele. Boko boinga na remorque te. Mais je propose ceci. Que ba minere oyo ya je camine ya ba mining nyoso ekota kande na train ti train comme mango ekeko tika na Zambie nde mongwe kokota po SNCZ na biso e carburé côté ya Kolozi gouverneur Muyeji Richard yo pe permettre à ce que ba minere ya Kolozi tango bako fungola nzela lobito ekotaka na train pendant que bako fungola te ekotaka pe train kaka ya SNCZ ezakuna na Kolozi e ya nzela nzela ti ekoyo kokota ti sakanya ekei. C'est très important. Et donc remorque ekoyo kosala musala kan na niveau ya Kolozi na nzela o ya mabele ya Solwezi remorque sala musala wana soko bafungoli pe Solwezi musu kota kipushi. Remorque salam salawana. Mais na kati ya RDC, boti kaminere tambola na train. Tango koya na ilebo kote ya Kasai. Ezo wa bato ya on attrape e futa mambongo. Bato ya enango, akitisi train awape, ezu ya keti ba Congo, train salam salawana yiku matini na matadi. Matadi pe remorque, siku ezu na matadi, ndeke na Mwanda. Ubiye ke na Boma, batye na Mayekei. C'est comme ça que société kotambola baoba kolinga basomba sima na simshaba na ebite soko bakomo benga ngo sikonde ngenini yango pe kuna sima ezo peze makasi ekota na train bo fungola pe ba voiture ya kitoko légatique de luxe na ordinaire batuba tambola bo fungola nzela oye kenda ka train kalemi oye kenda kana kabongo kitenge tika songo oye kotaka Ti esuki na monedi tu, o ekota kati lebo, o komona SNCC de côté le, mais ce n'est pas compliqué. Travaillez en synergie. La balle est dans votre camp. Toleki na makambo ya ba jeune. Obiso ba jeune batiki biso, obiso ba jeune kutweza boye, ezandenge moko na répondra ki na ba femme. On ne va pas venir parce que vous êtes jeune des critères. Non. Soyez jeune mais compétent. Soyez jeune oyo a sa valeur. Ezate que pour za jeune ba jukaka, ozate parce que za moi si ba jukaka. Non. Je sais très bien que les injustices sont là. Je sais très bien que pays les kaki na makabwebele amabe babe makasi. Ce n'est pas le fait de dire nous sommes jeunes. C'est le fait de montrer aussi à l'autorité que nous valons quelque chose. Vous les jeunes, comment vous êtes organisés? Qu'est-ce que vous faites en attendant? Si vous êtes seulement dans des boîtes de nuit, et c'est ça que vous appelez la jeunesse, Ezamawa. Si vous êtes dans des injures, dans les réseaux sociaux et tout le reste, vous serez que les jeunes dans une entreprise. Montrez-vous utile. L'État va vous approcher et on va vous prendre au service de la nation. Na lingina répondre na vidéo ya mwana mwasi oyo bolandango nanu bongo na répondre ye. Parce que toi tu es devenu maintenant l'ami fidèle des Congolais, des Rwandais. Ozo zwape même pas honte, Kabila za quand même ko banga ko présenter biso photo ya Yena Paul Kagame, mais Fatih leur présente comme ça. Yena na zoao, ceux qui zoao ya Angola wana na Fatih. Joao, ce qui Joao. Il y a une fati. Azo présenté biso bango na no voyez mes partenaires. Azo lenga bango. Azo présenté ba Congolais Paul Kagame. Eh Congo. Ba Congolais. C'est quel peuple le banango nkana nanga boketu wayambo. Bo uti kolanda madame wana ndenga zoloba. Madame, avec tout le respect que je vous dois, quelque part oyo singa soni. Cela veut dire Olobika katika oloba peut-être olingaka président de la République te ou bien olingaka cash te yango no zoloba ndenge wana. La plupart des temps, les gens très bêtisants baza na diaspora. Alobi naza musika na ko finga ba kozwanga ite. Ce n'est pas être homme et ça ce n'est pas être femme. Au moins yo o fingite à part Bunyulu moko le kaki wana il est très de surcroît ya zo finga, c'est honteux. Ozo quand même ko prononcer moi ça difficile mon toi plusieurs années kuna, mais tu sens que ya ça il est très makasi mais zo finga batu ki il est très Sony c'est amawa. Madame Ozo lo bawo le président de la République Asimbi Lorenzo Kotoyo na Kagame asape ko sepe la kangina bango photo. Ozo regrette, ozo lo ba makambo, o ya ba Rwanda bona boy. Comme l'autre mastodonte a outi ko lo ba na boy ko l'exayé pour lui donner de l'importance pour rien. Il est nul. Na ko l'exayé te a outi aza na Belgique aza ko finga, a fingi makasi, a fingi tout le monde. Oh ciel, quelle éducation il a reçu. Azo lo bao ba Rwanda aza ko silka lobi pona ni babetelaki Kagame maboko na stade et tout le reste. Le monsieur là vous le connaissez, le trapu, le bedonnant. Aza ko finga parce que lui il est de la muka. Madame na ko répondre yo kaka na awa na zoloba. Ce monsieur là tango balobaki Kagame azoya na RDC. Kagame lobi bo telemi sa résultat bo publier yango te na zoya. Ces gens là balobaki esili Kagame azoya bakomona Félix Akolekate babetaki maboko. Monsieur, c'est aujourd'hui toi là parce que échouaki le président Félix est à la commande pour aller na stade à reconnaître mon nene et papa Etienne Tshisekedi au fingi le loka gome a komi bala moko ennemi tango azalaki koya pobo leka azalaki bon tango bo échoué a komi ennemi. Voilà ce que vous êtes, voilà ce que vous êtes. Madame, je voudrais retracer un peu l'historique ya makambo Rwanda. Le Rwandais Bato ya liboso ba memaka bango ba yena bango na RDC za ba Belge. Après peut-être na ba frontalier, on se côtoyait ainsi de suite, c'était un peu ça les échanges de trocs qui se faisaient ainsi de suite. Mu bato ya mibale oyo ba yekoya na ba rendez susu, c'était le président Mobutu. Et même le directeur du cabinet à chef de l'État Mobutu était rwandais. Ça ne posait pas de problème. Troisième étape, ba Belge, ba yeko, ba Rwandais, ba yeko kota en 1994, par le fait de l'opération turquoise, y a ba Français. Ndeko kima ba kima ki guerre, HCR, la France, les grandes puissances ont décidé à ce que ba Rwandais wana ba fanda na RDC. Comme réfugié. J'aime la sagesse de feu Étienne Tshisekedi qui disait Kolanda libanga te o tout yo. Landa mutoabwa ki libanga. Ici ce sont les Français basali opération ba Rwanda ba kufa ki ebele ba yeko tika bango na RDC na 94. Na 96 Amérique tango andimi ko accompagner rébellion ya afdel pona kolongola Mobutu après si ba Rwanda États-Unis ayeba ki ba zokota ba iko kota et directement ce sont ces étapes là qui ont fait que ba Rwanda ba iko kota. Maintenant moi j'ai essayé de vérifier quelque chose et comment ki lokola commerce ya kotanga Rwanda Kagame. Maman n'a qu'un daga goma, n'a qu'un daga Bukavu. Madame, yaka wana république. Kende na goma, tongwe tana, omona combien de kivusye ba kenda ka Rwanda. Ko somba biloko ako lia, yako lata, ba kenda ka Rwanda. Tala koma soki na zana Bukavu, na atene ibanda, ba rande ba uta kana tongo 6 heures ba eko tanga na RDC tous ces jours. Je me suis dit il n'y a pas un problème entre les Rwandais et nous, mais un problème Rwandais Congolais sur le plan politique, c'est tout. Et ce n'est même pas eux qui décident. Bon, je dis très bien que Mindele nde bazalaka na jeuana nde basala ki yango. Kagame nane pour rien, il faut réfléchir mûrement que ça. Lui aussi son pays a souffert de ça, vous le savez. Madame, RDC na biso eza na 9 pays frontaliers. Le président Félix Azako joue carte qui toko makasi. Régulariser nos rapports avec ce pays. Sinon, si nous vivons en autarcie, nous ne saurons pas. Et donc, si on a dit, frontière, nous avons 9 frontières. Nous ne pouvons pas nous hasarder, il y a qu'on a un conflit permanent avec des gens. Tshisekedi est en train d'arranger ce rapport. Aujourd'hui, le vol du Rwanda arrive chez nous. Le lendemain, il faut que tout ça va bien, tout va bien, et que n'arrive pas à Bango. Nous n'avons plus ce problème là-bas. Ce qui est bon, c'est que nous réaliser une relation et nous allons bien à Rwanda, Nandimi. Ce qu'on a dit, c'est bien à Sima. Léopold le Belge, Aboma. Plus de 10 millions yaba congolais ko kata maboko ko boma soki olembi okoyebi saite ke nazo bela il faut ba boma yo ko violer ko sala nyonso pona nini boza na Belgique bolongwete pona nini boza wana na colonisation wana to sala boye na Belgique ti ba Belge awa na RDC est-ce que yo yo zolo basoko zangi na kisasa olingaki kwende ko tambola na kalina. Parce que la ville y a bango mindele chez nous. Ba bengi biso ba indigène. Bazako beta biso fimbo ko bomba songi balingi. Nde loko revoltaka Lumumba. Nde loko revoltaka papa Kimbangu. Lelo osako finga mboka, osako finga ba konziawa pour rien, mais osana Belgique, osana France. Soki boza réellement na bolingwa mboko yo, bolongo na ba pays wana ngana mona. Félix, le président, a sali photo na Lorenzo na Kagame. Vous ne comprenez même pas un message, vous. Tika toi informé parce que tout le monde dit que mon peuple est péri par manque de connaissances. Et ça, bateau, bazo sur la pour stabiliser notre sous-région. C'est avec le bon rapport avec Kagame tout aussi ça. Barandé yo so bazana zamba, ba oye bazonge pa na bango, oye koninga tika na RDC a vivre normalement, plus de rébellion. C'est comme ça qu'on vint un combat. Ce n'est pas na biloko bozou ganga ganga pamba pamba ane, ayate, ayate, ayate, ayate, ayate, na Belgique, olongwete pourquoi les Belges nous ont tués. Olongwete ndengene. Et comme mouke mouke Kagame, mouke mouke Rwanda, mouke mouke, est-ce que c'est ça la vérité? Ce qui est en train de se faire dans la République. Combien de problèmes se sont passés entre nous-mêmes, tout ça, et ma bébé, et ça, Rwanda? Dans le pays, nous avons un pays, nous avons un pays, nous avons un pays, un exemple. Brazzaville, ba bengana biso ba beti biso ba dorona biso ba lali di banda oti ba zoku fa moko moko moko moko moko na stade de 24 yo za la ki wapi pona nini bande kona biso biso bazana braza ozongi se bangote pona nini ba brazzaville za wa bulungo li bangote pona nini yo wana o atakete sa sundenga yake na Luanda combien de ba Congo sont morts là bas. Alors que il y a les ils ont des rapports ancestraux ban ancêtres moko en Afrique du Sud bino ba Afrique du Sud vous commenter pourquoi Gamé est venu là en Afrique du Sud combien de Congolais ont été tués évacués bino vous tika likuna ndengeni pona ni bolongwe te boya pour montrer que vous aimez les pays, vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un touche à notre intégrité physique. Bolongwa boya awa tu es au bundelawa yo za na makasha ko lokaka ozaka li solo moko Rwanda Rwanda zonga awa. Les gens de la diaspora pensent que le fait que boza est pas à mindele bozolia bien bozola ta bien bo yebi mboka oyo ko le kabiso tozawa mawa mingi. Moi en 1975 tozala ki refoulé na Zambie. C'est pas aujourd'hui que le Congolais souffre de ça. Madame, je vous apprends que Japon et Yokolaka Chine pendant 10 ans. Mais basé en relation, parlobité que oh pananini pinga ya wadon. Ça c'est quel discours que vous voulez avoir? Le président Félix est venu sur le créneau ya réconciliation na sous-région, na région, na notre pays avec tout le monde. C'est ainsi que M. Mboussa Nyamwisi est ici. Il n'est pas inquiété. Oh, même bazo ça la retour, Namboka, ça la retour. T'es pas à la kiao. Et ça va, va et vient normal. Il n'y a pas, il n'y a au retour exacté. À Zala kiao avant élection. Vous voyez même intelligence à côté va intituler la bino Zozanga. Le problème c'est ça. Et Pelé na RDC Basila Maele. Le coup de la main, pour suyer de notre échec, de notre insuffisance, tout ça finit facilement. Je voudrais terminer en disant bon, ça là d'abord examen de conscience. Tant que l'ingé finit, papa, le coup de la tissékédi. Au sol, tali papa, n'a eu à botayo. Au sol, tala, au sol, l'oba, vinaïe en public. Au sol, tala, ma bé, au yébi, ma bé, yé, ça là. Osho kritika yango ndenge osho zwa courage ofinga papa wa boti yo ba injure bino bozo finga ubye saka esengo parce que bozo finga papa ya muninga o mitala yo moko okokana nini osho sali nini na mboko yo zo regreter ke ba babies tango zo finga zo tala na ozana France na Belgique tala ba bikolo mosusu ba malien ba togolais ba nini tala ndenge bazo agir tu n'as pas honte de ça? Comment tu as le courage de continuer dans l'imbécilité?